Chapitre 6. Ce que Julien avait appris au marché de Dôle. Les partisans de la bonne fée, déconcertés par la question de Maître Gueffès, ne s'attendaient pas à cette auxiliaire qui leur venait tout à coup en aide. Le petit Jeannin était plutôt toléré qu'accueilli dans l'assemblée des notables du village de Saint-Jean, et d'habitude on ne lui accordait point la parole. Mais l'homme qui a une idée grandit tout à coup, et depuis le moment où Simon le Priol avait dit « La bonne fée donne tout ce qu'on lui demande », Jeannin avait une idée. Il était debout devant l'âtre, le front rouge et haut, mais les yeux baissés. Tous les regards étonnés se fixaient sur lui. « Tu l'as vu, toi, petitot ?» dit Gueffès avec son air moqueur. « Oui, moi, je l'ai vu, » répondit Jeannin. « Il l'a vu, il l'a vu, » répétait-on à la ronde. « Et où l'as-tu vu ?» demanda Gueffès. « Ici, devant la porte ?» « Quand ?»« Hier. » »« À quelle heure ?»« À minuit. » Toutes ces réponses furent faites rondement et d'un ton assuré. Mais Vincent Gueffès allongea sa mâchoire en un sourire méchant. « Petitot, » dit-il, « et que faisais-tu à minuit, si loin de ton trou, devant la porte de Simon le Priol ?» Détourner la question est le fort de la diplomatie normande. Le petit Jeannin se campa crânement devant Gueffès et répondit « Là ou ailleurs, je fais ce que je veux. Et souvenez-vous du jeu que le Breton proposa aux Français dans l'auberge des quatre besans d'or, du jeu qui se joue sans table ni tapis, maître Vincent Gueffès, avec deux gaules d'une toise. Bon pied, bon œil, main alerte, et à la grâce de Dieu. » Ma foi, Simon le Priol ne put s'empêcher de rire. Et ce ne fut pas aux dépens du petit Jeannin. Simonette était toute rose de plaisir. Fanchon, la ménagère, but un coup d'hypocrase pour cacher sa gaieté. Les quatre Mathurins écrasèrent, dans leur contentement, les pieds des quatre Gothons. Maître Gueffès ne broncha pas. Un bâton d'une toise ne prouve pas que mensonge soit parole d'évangile, dit-il. Et que faisait la fée quand tu l'as vue? Elle se baissait sur le seuil pour ramasser un gâteau de froment. « Ça, c'est la vérité, » appuya la ménagère. « J'avais mis un gâteau de froment sur la porte. »« Et comment est-elle faite, la fée, petitot ?» demanda encore maître Gueffès. Jeannin hésita. « Elle est belle, » répliqua-t-il enfin, « belle comme un ange, presque aussi belle que la fille de Simon le Priol. » Simon et sa femme froncèrent le sourcil à la fois. Maître Vincent Gueffès ouvrait sa large bouche pour lancer quelques traits envenimés qui put venger sa défaite, car il était vaincu, lorsque le pas d'un cheval se fit entendre sur le chemin. Tout le monde se leva. « Julien, Julien, » s'écria-t-on, « Julien le Priol, nous allons avoir des nouvelles de la ville. » Le cheval s'arrêta en dehors de la porte qui s'ouvrit. Julien le Priol, fils de Simon, entra. C'était un beau gars de 20 ans, fortement découplé. Cheveux noirs, œil vif et franc, un gars qui s'était plus souvent tourné, pour respirer, du côté du bon air des grèves que du côté de l'atmosphère lourde et tiède du marais. Il baisa sa mère et Simonette. « Quelle nouvelle, garçon ? » demanda le père. « Mauvaise, » répliqua Julien, en jetant sur la table les lames de faux qu'il était allé acheter chez le taillandier de Dôle. Mauvaise, ce ne sont pas des malfaiteurs qui ont saccagé le manoir de Saint-Jean, et ce n'est pas par dérision qu'on a planté au bas du perron le poteau de la justice ducale. Monsieur Hugues de Maurevers, notre seigneur, est accusé de haute trahison. De haute trahison ? Répéta le Priol, stupéfait. Les nouvelles en ce temps-là ne couraient point la poste. Le hameau de Saint-Jean, qui était situé en vue du mont, à 5 ou 6 lieues d'Avranches, ne savait pas encore ce qui s'était passé à 15 jours de là, dans la basilique du monastère. Une nuit de la semaine qui venait de s'écouler, le manoir de Saint-Jean avait été saccagé de fond en comble par des mains invisibles, Les villageois effrayés avaient entendu des chants et des cris. Le lendemain, il n'y avait plus un seul serviteur au manoir désolé. Et devant la grande porte, un écriteau aux armes de Bretagne portait ces mots que Vincent Gueffès avait déchiffrés. Justice ducale. Du reste, les maîtres étaient absents depuis du temps, et quand les pillards étaient venus, ils n'avaient trouvé que des valets au manoir. Le lendemain, à travers les fenêtres désemparées, les gens du village avaient jeté leurs regards à l'intérieur du château. Il n'y avait plus que les murailles nues. Julien était assis entre son père et sa mère. Tout le monde l'interrogeait des yeux. Il y avait sur son visage une émotion grave et triste. « Quand Monsieur Hugues de Maurevers, commença-t-il avec lenteur, me conduisit au château du Guildo, apanage de Monsieur Gilles de Bretagne, je vis de belles fêtes, mon père et ma mère. Il était jeune, Monsieur Gilles de Bretagne, et fier et brillant. Maintenant, il est couché dans un cercueil de plomb, sous les dalles de quelque chapelle, et tout le monde sait bien qu'il est mort empoisonné. « Mon fils Julien, dit Simon le Priol, nous avons prié Dieu pour le salut de son âme. Que peuvent faire de plus des chrétiens ?»« Nous autres, répliqua le jeune homme en jetant un regard sur son habit de paysan, rien, mais Monsieur Hugues de Maurevers est un chevalier. Voilà ce qu'ils disent, mon père et ma mère, sur le marché de Dôle. Notre Seigneur François était jaloux de Monsieur Gilles, son frère. Il le fit enlever nuitamment du manoir du Guildo par Jean, sire de la Haise, qui n'est pas un breton, et Olivier de Méhel, qui est un lâche. Jean de la Haise enferma Monsieur Gilles dans la tour de Dinan, et comme le pauvre jeune seigneur, prisonnier, faisait des signaux au travers de la ranse, Robert Roussel, un damné, l'emmena jusqu'à Châteaubriand, où les cachots sont sous la terre. Les cachots de Châteaubriand ne parurent point pourtant assez profonds. Jean de la Haise et Robert Roussel mirent leurs hommes d'armes à cheval par une nuit d'hiver et conduisirent Monsieur Gilles à Moncontour. À Moncontour, il y a des hommes. On plaignait Monsieur Gilles. Jean de la Haise et Robert Roussel fermèrent sur lui les portes de la forteresse de Touffon. Et comme Touffon est trop près d'un village, on chercha encore. On trouva au milieu d'une forêt déserte le château de la Hardouinet, où Monsieur Gilles a rendu son âme à Dieu. Mon père et ma mère, je ne suis qu'un vilain, mais mon cœur se soulève à la pensée de ce qu'a dû souffrir le fils de Bretagne avant de mourir. Jean de la Haise et Robert Roussel se fatiguaient de garder le captif. Ils voulurent d'abord le tuer par la faim. « Oh !» interrompit Fanchon, la métayère, qui ne put retenir un cri d'horreur. Le même cri s'échappa de toutes les poitrines oppressées. Maître Gueffès, tout seul, garda un silence glacé. Gilles de Bretagne, reprit Julien, était dans un cachot dont le soupirail donnait dans des broussailles, au ras du sol. On fut 2 jours sans lui porter à manger, puis 3 jours, puis toute une semaine. Au bout de ce temps, Jean de la Haise et Robert Roussel descendirent au cachot pour fournir la sépulture chrétienne aux cadavres. Mais il n'y avait pas de cadavres. Gilles de Bretagne vivait encore. Un ange avait veillé sur les jours de la pauvre victime. Un ange, et vous l'avez vu, ce bel ange aux blonds cheveux et au doux sourire, cet ange qui porta si longtemps dans notre pays la consolation charitable. « Mademoiselle Reine, murmura Simonette, dont les beaux yeux noirs se mouillaient. « Oh, la chère demoiselle, que Dieu la bénisse » s'écria-t-on tout d'une voix. La vilaine voix de Maître Gueffès manquait seule à ce concert. « Oui, reine de Maurevers, » répéta Julien d'un accent enthousiaste. « Oui, c'était elle, c'était reine de Maurevers. Chaque soir elle venait, bravant le carreau des arbalètes ou la balle des arquebuses. Elle venait apporter du pain aux captifs. Et quand les 2 bourreaux geôliers virent que la faim ne tuait pas Monsieur Gilles assez vite, ils achetèrent 3 paquets de poison au Milanais Marco Bastardi, l'âme damnée du sire de Montauban. Olivier de Méhel lui-même recula devant la pensée de ce crime et s'enfuit alors du château de la Hardouinet. Robert Roussel et Jean de la Haise restèrent. Ces 2-là sont maudits, l'enfer les soutient. Un soir, reine de Maurevers vint comme de coutume, déguisée en paysanne. Elle frappa au barreau, nul ne répondit. Monsieur Gilles était couché, tout de son long, sur la paille humide. Reine devina. Elle courut chercher son père qui se cachait dans les environs et un prêtre. Monsieur Gilles put se lever sur son séant et se confessa à travers le soupirail. Quand il eut fini de se confesser, le prêtre lui demanda « Gilles de Bretagne, pardonnez-vous à vos ennemis ?» Note de bas de page. Histoire de Bretagne. Retour au texte. « Je pardonne à tous, excepté à François de Bretagne, mon frère, » répondit le mourant, qui trouva un dernier éclair de vie. « Abel n'a point pardonné à Caïn. Pour le fratricide, point de pardon, car le pardon serait une impiété. » Je ne sais pas s'il se trompait en disant cela. Il se leva sur ses jambes chancelantes et vint jusqu'au soupirail dont il saisit les barreaux. « Prêtre, dit-il, tes pareils sont sans peur parce qu'ils sont sans reproche. Va vers le duc François, mon frère, mon seigneur et mon assassin. Dis-lui que Gilles de Bretagne meurt en le citant au tribunal de Dieu. Le feras-tu ? » Le prêtre hésitait. « Moi, je le ferai, » prononça Hugh de Maurevers parmi ses sanglots, car il aimait M. Gilles comme son fils. Celui-ci tendit sa main à travers les barreaux. Hugh de Maurevers la baisa en pleurant. Puis M. Gilles murmura « Merci » et tomba à la renverse. Les uns disent que Jean de La Haize et Robert Roussel, lorsqu'ils vinrent le soir, ne trouvèrent plus qu'un cadavre. Les autres affirment que Gilles de Bretagne n'était pas encore défunt et que les deux infâmes l'achevèrent en l'étranglant de leurs mains. Julien le Priol fit une pause. Personne ne prit la parole. Chacun était frappé de stupeur. Julien raconta ensuite comme quoi M. Hugh de Maurevers, accomplissant la promesse faite au mourant, était venu déguisé en moine dans la basilique de Saint-Michel et avait arrêté le duc François au moment où il allait jeter l'eau sainte sur le cénotaphe. Comme quoi M. Hugh avait disparu, comme quoi le jeune homme d'armes Aubry de Kergariou avait jeté son épée au pied du duc et refusé de poursuivre Maurevers. Maintenant, reprit Julien, Monsieur Hugh se cache, on ne sait où. Le duc a mis sa tête au prix de 50 écus nantais. Mademoiselle Reine a disparu, et Aubry de Kergariou est dans les cachots souterrains du mont. Voilà ce qui se dit sur le marché de Dole, mon père et ma mère. À ces mots, 50 écus nantais, deux personnes avaient dressé l'oreille. C'était d'abord le petit Jeannin dont les grands yeux brillèrent à ces paroles magiques. Ce fut ensuite maître Vincent Guéfès, lequel gratta sa longue oreille et se prit à réfléchir profondément. « Eh, l'on ne sait pas où notre demoiselle reine s'est réfugiée ?» demanda Simon. Julien secoua la tête. « On dit qu'elle a été d'abord au domaine du Rose, puis au domaine de l'Aumône. Les vassaux ont eu peur et l'ont chassée. »« Chassée, notre demoiselle ?» On dit qu'elle a eu peur d'être chassée aussi du domaine de Saint-Jean, car les héros de la cour vont partout dans les campagnes, sonnant de la trompe le jour et la nuit, et promettant mal mort à qui abritera le sang de Maurevers. Mais où est-elle? Où est-elle? Julien fut bien une minute avant de répondre. J'ai rencontré, dit-il enfin avec effort, le vieux vicaire du Rose, sous le porche de l'église. Il pleurait. Il pleurait? Oui, et il m'a dit, « Julien, n'oublie pas la fille de ton maître quand tu réciteras le De Profondis du soir. » Les yeux de Simonette s'inondèrent de larmes. La grosse métayère Fanchon essaya de se soulever et retomba suffoquée. « Morte, morte !» répéta Julien le Priol. Puis il ajouta en se signant, « Et je crois que j'ai déjà vu son esprit. » Une frayeur vague remplaça l'expression douloureuse qui était sur tous les visages. Tout à l'heure, en passant sous le manoir, poursuivit Julien, je regardai les fenêtres qui n'ont plus de vitraux. Les murailles étaient éclairées par la lumière de la lune, et chaque croisée faisait comme un trou noir. Dans l'un de ces trous noirs, j'ai vu saillir une blanche figure, et j'ai dit ma première oraison pour que Dieu ait l'âme de notre demoiselle. Le silence se fit. La cruche au cidre et l'écuelle chaumait sur la table. À la crémaillère, la bouillie d'avoine brûlait sans que personne s'en aperçût. De grosses larmes roulaient sur les joues de Simonette. Il n'y avait plus de traces de cette bonne joie de la Saint-Jean qui emplissait la ferme naguère. Dans ce silence où l'on n'entendait que le bruit des respirations oppressées, un bruit éclata tout à coup. C'était le son d'une trompe disant les trois mots de l'appel ducal. « Écoutez !» s'écria Julien, qui se leva tout pâle. « Qu'est-ce que cela ? » demanda le vieux Simon. « C'est le héros de Monseigneur François qui vient crier le prix de la tête de Maurevers. » « À 7 heures de nuit ?»« La vengeance ne dort pas, mon père, et François de Bretagne a déjà vieilli de 10 ans, depuis 10 jours. Il faut bien qu'il se dépêche s'il veut tuer encore un homme avant de mourir. »